Thank you. Sur le lounge, Philippe. Viens ici. Ah ouais, moi c'est normal, je me mets au loin. Vaut mieux que je sois au loin. Attends, tout à l'heure on m'a dit que j'étais trop fort. Là-dessus. la batterie s'arrête, on n'entend plus le métronome. 1, 2, 3. Qui sort sa guitare. Thank you. Thank you. je vous ai mis une petite backing track. Normalement, une backing track, et on m'a expliqué que pour qu'on pouvait passer une backing track, il n'y a pas besoin de régler le BPI. C'est vrai ou non? Ah bon? Merde, je croyais qu'on pouvait laisser tourner le truc sans... J'ai essayé avec un mec, il faisait un solo dessus et... Non, il y avait un mec qui suivait. Non, c'est pas ça. Oh merde. C'était trop facile. Parce que sinon, c'est impossible à caler parce que c'est... Enfin bon, moi je sais pas faire. Bon, alors il faut faire une batterie quoi. C'est du combien ça? Ouais, du 100 ça suffit, non? 100 c'est bien? Peut-être ça va un peu vite, non? Alors est-ce qu'il est à 100 ce truc là? Il est à 102, ça va pas le faire. Super, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça marche pas. Well, Thank you.